Oui, merci. Je dis, c'est vrai qu'on est un petit peu surpris du nombre de personnes. Ça veut dire aussi que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Je vais donner tout de suite la parole à Bernard, qui va présenter un petit peu Emmanuel Laurentin, que j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver au bout de 8 ans. 9 ans, non? Alors, bonsoir, bon, merci d'être venu. Merci beaucoup à Emmanuel qui nous fait le plaisir de venir pour la troisième fois. Donc, on s'était rencontrés en 2002 lorsque on avait fait avec le CNRS les rencontres sciences et citoyens, rencontres régionales sciences et citoyens. Et à cette occasion, il nous avait fait une émission à France Culture dans le cadre de la Fabrique de l'Histoire qui s'appelle Paris, Plausavet, Paris et Retour, qui est certainement une des meilleures histoires. Enfin, là, de toute façon, là, c'est la seule histoire radiophonique de l'épopée des enquêtes de Plausavet, avec tous les problèmes que ça a pu poser par la suite. Et donc, depuis, on ne s'est pas du tout perdu de vue, surtout que je suis aussi un fanat de son émission quotidienne. Encore ce matin, je l'écoutais. Donc là, c'était sur la désindustrialisation de la Seine-Saint-Denis. Et demain, c'est Perrine qui. Demain, c'est un documentaire sur comment les ouvriers des années 70 ont vu arriver les intellectuels qui avaient fait mai 68 et qui voulaient leur apprendre ce qu'était le prolétariat. Donc, c'est un autre sujet. Voilà. Donc, on a beaucoup discuté ensemble. Et il était venu, en 2011, je crois, hein, lorsqu'on avait fait un des rendez-vous de Plausarche sur le thème de la façon dont, d'un côté, la télévision et de l'autre côté, la radio avaient rendu compte de l'histoire des enquêtes de Plausevet. Et puis, il a sorti au printemps dernier ce petit livre, donc La France et ses paysans, que j'ai tout de suite acheté, que j'ai tout de suite lu. Et en fait, effectivement, c'est un livre d'ailleurs qui se lit très très bien. Et son intérêt, c'est certainement très bonne synthèse de toute l'évolution du monde rural depuis les années 60, même antérieurement, puisqu'il monte aux années 30. Hein. Mais c'est surtout effectivement comment les sociétés rurales ont été transformées et confrontées au problème de la modernisation. C'est un sujet qu'il connaît très bien et de l'intérieur, parce que Emmanuel est d'origine paysanne, peut-être qu'il en parlera. Et donc, dès que je lui ai dit, voilà, on aimerait bien faire quelque chose autour de. Pas de problème. Il a répondu présent tout de suite. Malheureusement, on avait programmé ça pour décembre et il n'a pas pu venir immédiatement, mais on a convenu d'une autre date et il est là. Alors, la règle du jeu un peu aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il va nous parler de son livre. On souhaite que ce soit beaucoup un échange, d'autant plus qu'au mois de mai, donc au mois de mai, on va faire une manifestation un peu festive. Ça sera les 3 ans de notre programme Plausarche. Plausarche, ça veut dire Plausevet Archives, c'est des retrouvailles sur les archives des enquêtes qui avaient été faites dans les années 60. Et on essaye de retravailler sur l'évolution qu'a connue la commune depuis. Et dans ce cadre-là, on a plusieurs tables rondes, dont une table ronde qu'on voudrait, qui serait animée par Emmanuel, et où ça serait non pas des experts extérieurs qui viendraient parler des transformations de l'agriculture, mais ça serait des gens d'ici. Donc un peu, cette réunion, c'est un peu pour préparer ça. Alors effectivement, il faudrait des volontaires, quoi. Des gens qui seraient d'accord pour discuter devant un grand public de ce qu'ils ont connu comme transformation depuis les années 60, comment ils voient l'évolution de l'agriculture, comment ils voient l'évolution du monde paysan, de la ruralité en général, car le monde rural n'est plus simplement un monde paysan comme il était dans les années 60. Et donc, pour faire un débat, disons, avec des gens de Plausevet ou d'ailleurs, mais qui soient non pas les experts qu'on a l'habitude de faire venir sur les plateaux de télévision, mais une expertise locale. Voilà. Donc, c'est un peu cette réunion de préparation. Et donc, Emmanuel, encore merci. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être là parce que, sans vouloir vous flatter, ce livre, il est un peu dû à deux choses. Il est dû à mon expérience et ma naissance et le fait que j'ai grandi dans le milieu rural dans les années 60, je suis né en 1960 dans le Poitou, qui n'est pas exactement la même région qu'ici, mais il est dû aussi aux rencontres que j'ai faites à l'occasion de ce documentaire, grâce à Bernard et à Jean-Claude qui est ici, en particulier avec des agriculteurs d'ici qui m'ont raconté comment ils avaient vécu cette modernisation rurale. Et ça a immédiatement résonné dans ma tête parce que ce qu'ils m'ont raconté, c'est ce que m'a raconté mon père. Donc c'est la même génération que la génération de mon père. Mon père était né à la fin des années 20, début des années 30. Et donc j'ai immédiatement entendu une musique qui était la même musique que j'entendais à la maison tous les soirs quand on discutait. Mon père était gérant d'une coopérative agricole dans le centre du Poitou, et il était en même temps ce qu'on appelait un agriculteur aux mains blanches, puisqu'il ne faisait plus, contrairement à son père, la terre lui-même, puisqu'il était donc gérant de cette coopérative agricole, et il avait un ouvrier agricole qui travaillait avec lui sur l'exploitation. Mais toujours est-il que mon autre grand-père continuait l'exploitation, et que j'ai fait donc les moissons, puisque nous, je suis originaire d'un milieu de céréaliers et pas d'un milieu d'éleveurs. Donc, en l'occurrence, j'ai grandi dans ce milieu-là. Et quand j'ai entendu ce que me disaient les gens de Plozévette en 2002, quand je suis venu pour faire ce documentaire, c'est d'ailleurs ce livre s'ouvre sur une citation de quelqu'un de Plozévette, puisque la première phrase qui ouvre ce livre, c'est Pierre Sclaminec : il y a trop de gens qui regrettent le passé qu'ils n'ont pas vécu. Et en fait, cette phrase-là m'a profondément touché, bouleversé, intéressé, parce que je pensais qu'il y avait là quelque chose qui représentait le malentendu sur lequel je voulais travailler pour écrire ce livre. Qu'est-ce que c'est ce malentendu ? C'est le malentendu entre la population rurale, les agriculteurs, les gens qui se sont mis à faire qui faisaient la terre traditionnellement et qui se sont modernisés dans les années 60 en particulier, et le reste de la population française. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet écart qui a commencé à se creuser et qui est devenu de plus en plus flagrant dans les années 70 et en particulier depuis les années 70 et les années 80, entre le reste de la population qui ne travaille pas la terre, qui ne la fait pas cette terre, et puis ceux qui ont continué à pratiquer le travail de l'agriculture, comme si c'était une lente dérive des continents avec un gouffre qui s'ouvrait de plus en plus entre ces deux types de populations. Et j'ai voulu comprendre dans ce livre d'où ça venait. Donc ce livre est issu des nombreuses émissions qu'on a pu faire dans la Fabrique de l'Histoire depuis maintenant une quinzaine d'années, 13 ans, autour de ce monde rural. Je me suis aperçu que lorsqu'on m'a demandé de faire une collection de livres et on m'a dit quel serait le premier sujet que vous voudriez traiter, le seul sur lequel j'étais un tant soit peu compétent par mon histoire personnelle et par le nombre d'émissions qu'on avait faites là-dessus, c'était justement le monde rural et son évolution depuis les années 30. 30 que je n'ai pas connu évidemment, mais depuis les années 60, là j'ai plutôt connu. Donc on a raconté, je raconte dans ce livre, à partir des entretiens qu'on a pu faire, des documentaires qu'on a pu réaliser, des interviews qu'on a pu faire depuis longtemps, comment s'est installé ce malentendu dans la société française. Alors il y a là par exemple une grande interview qu'on a faite, que j'ai faite il y a déjà quelques années avec Edgar Pisani, qui était ce ministre de l'Agriculture, de la modernisation rurale du début des années 60, le ministre de l'Agriculture qui a passé ce pacte avec les jeunes agriculteurs de l'époque, Michel de Batisse et les autres, pour pouvoir moderniser l'agriculture française. Et donc un entretien avec un vieil homme, puisqu'il a plus de 90 ans maintenant, qui me raconte comment à la fois, quelle a été l'énergie de ceux qui ont fait ça, et en même temps les erreurs de parcours qu'ils ont pu accomplir, et en particulier les siennes propres. Des erreurs de parcours qui tenaient en particulier à une volonté de modernisation accélérée, de départ des plus vieux, des exploitations, de remplacement par les plus jeunes, d'agrandissement des exploitations, de lavage des sols, enfin tout ce qu'on connaît depuis très longtemps maintenant. Et donc ce que raconte ce livre, c'est justement cela, c'est-à-dire comment aujourd'hui on peut juger, c'est pour ça que j'ai commencé par cette phrase de Pierre Sclaminec, il y a trop de gens qui regrettent le passé qu'ils n'ont pas vécu, parce qu'aujourd'hui on peut juger que dans ces années 60 modernisatrices extrêmement positives qui voyaient, on appelait ça les 30 glorieuses, on l'a appelé après les 30 glorieuses, qui voyaient une sorte d'avenir en rose, eh bien on peut juger qu'ils ont été trop loin, qu'ils ont trop arraché les haies, ils ont trop bouché les fossés, ils ont trop amendé les sols, etc. Et moi ce que j'ai essayé dans ce livre, c'était de raconter, parce que c'est aussi mon histoire, l'histoire de ma famille, ce qu'étaient les idéaux de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils sortaient de la guerre, qu'est-ce qu'ils voulaient faire ? Pourquoi ils pensaient qu'il fallait faire rester des gens à la terre, c'est-à-dire pourquoi ils pensaient que c'était essentiel pour eux que leurs enfants, au moins un de leurs enfants, reprennent l'exploitation. Mais s'ils reprenaient l'exploitation, étant donné les conditions de vie de l'époque, la modernisation du milieu, en particulier urbain, il fallait que ces enfants ils aient des conditions de vie qui soient pas plus mauvaises que celles de la ville, qui se rapprochent de celles de la ville. Donc il fallait qu'il y ait une certaine modernisation des exploitations, qu'on puisse installer un minimum de confort à l'intérieur des maisons pour que les couples qui s'installent dans ces maisons puissent vivre de façon décente et qu'ils n'aient plus les conditions de vie de leurs parents, etc. Et donc toute cette histoire-là, c'est une histoire que j'ai croisée, vécue, entendue à la maison, que je voulais absolument raconter parce qu'il y avait là la niche, peut-être le début de ce qu'a pu être ce malentendu qui s'est ensuite creusé dans la société française. Alors, c'est comment les populations et les gens qui font la terre ou qui ont fait la terre n'ont pas été compris, ont cru qu'ils ne l'étaient pas, parce qu'il n'y a pas simplement qu'ils ne l'ont pas été, ils ont pu entendre, ils ont pu penser que les gens de la ville ne les respectaient pas, ne les entendaient pas, ne comprenaient pas leurs raisons. Et puis de l'autre côté, comment des urbains ont pu regarder des paysans qui s'éloignaient de plus en plus, ce que j'ai appelé les Fernand Reynaud à casquette, c'est-à-dire dans le livre, c'est-à-dire nos grands-parents qu'on voyait toujours de la même façon, avec la garouille au bec, comme on dit chez moi, avec la casquette. Et puis d'une certaine façon, on les voyait un peu comme des images d'Épinal. On voulait pas voir que ça se modernisait, que ça changeait, que la société rurale était en train de bouger. Et donc les urbains ont commencé à imaginer leurs grands-parents un peu comme toujours dans le temps, sans voir effectivement ce qui était en train de bouger profondément dans cette société des agriculteurs et cette société rurale. Ne serait-ce que le nom même, comment on est passé du terme de paysan au terme d'exploitant agricole, du terme d'exploitant agricole au terme d'agriculteur ou d'agriculteur à exploitant agricole, et puis ensuite comment on est revenu depuis peu de temps au terme de paysan, comment au bout du compte on ne sait pas très bien comment se qualifier, et puis de toute façon à l'intérieur de ce milieu rural, ça n'est pas toujours la même chose. Tout le monde n'a pas les mêmes statuts, les mêmes conditions. Ça a toujours été vrai, mais entre un éleveur, entre un agriculteur de grande plaine, entre un agriculteur de moyenne ou de haute montagne, entre un viticulteur, etc., il y a tellement de différences aujourd'hui. Est-ce qu'on peut même mettre le même nom sous la même appellation? C'est un peu compliqué que de le dire. Donc, ce livre raconte cette histoire longue depuis les années 30. Pourquoi j'ai choisi les années 30? Parce que c'est en 1931 que pour la première fois dans notre pays, il y a plus d'urbains que d'agriculteurs. C'est-à-dire que c'est pas si loin dans le temps. C'est 80 ans. Il y a 80 ans, il y avait encore plus d'agriculteurs, de gens qui faisaient la terre, qui participaient à la vie rurale, que de gens qui vivaient d'autres choses, et donc en particulier à la ville. Et à ce moment-là, au premier recensement de 1931, c'est la bascule. Donc c'est à portée de main, c'est nos grands-parents, pour des gens qui sont nés comme moi au tout début des années 60, c'est à ce moment-là que ça change. Donc je suis parti de ce moment-là, ce moment de bascule, et j'ai tenté de raconter ce malentendu qui s'installait progressivement avec une population rurale, et en particulier des agriculteurs qui se sont modernisés de façon un peu forcenée au début des années 60, avec toutes les lois agricoles, en particulier de 62, qui étaient donc ces lois Pisani en particulier, et qui ont dit qu'ils avaient accompli une mission nationale. C'est-à-dire qu'en gros, on leur a dit « il faut que vous fassiez ça parce qu'il faut nourrir la France, et pas seulement la France, il faut aussi nourrir l'Europe, et puis il faut même, pourquoi pas, nourrir le monde ». Et donc à partir de ce moment-là, ils ont été pris dans une sorte de passion et de mission qu'on leur donnait, que le gouvernement et que l'État leur donnait, un peu comme si, pour les plus âgés, vous vous souvenez peut-être, les mineurs, après la Seconde Guerre mondiale, avec la bataille du charbon, la bataille de la production. C'est-à-dire, en gros, on dit à ces mineurs, vous êtes communistes, vous n'allez pas faire grève, mais vous allez continuer à produire du charbon parce qu'il faut relever la France. Ben là, on dit aux Français qui sont des agriculteurs ou qui sont des paysans, on leur dit... Ben voilà, on a besoin de vous, la France a besoin de vous, parce que dans cette Europe qui est en train de se construire, il va y avoir une sorte de partage des rôles à l'Allemagne, l'industrie, à la France, l'agriculture et l'exportation agricole. Donc d'ailleurs, c'est Pisani qui le dit lui-même dans les entretiens qu'il nous a donnés, c'est une sorte de partage des rôles. Voilà, l'Allemagne va doper son industrie et l'exportation, pour la France, ça sera essentiellement l'agriculture. Donc on leur donne cette mission-là, ils y croient, ils s'y mettent et donc ils participent à cette grande rénovation de l'agriculture française, le départ des plus âgés, l'allocation de vieillesse, tout ce qui s'installe dans ces années-là, la croissance progressive des exploitations. Tout d'un coup, on n'a plus des toutes petites exploitations comme on avait auparavant, mais des exploitations qui commencent à grossir. Et puis, on investit et on s'endette. Et donc, tout ça marche ensemble. Et puis, au bout du compte, on a des prix qui sont garantis. Ça permet d'avoir un niveau de vie suffisant. Et ce qu'on raconte dans ce bouquin, et ce qui est le fruit des interviews qu'on avait faites dans les émissions précédentes, c'est par exemple ce moment très fort, qui est le moment d'émigration rurale à l'intérieur du pays. On ne se souvient plus que dans les années 50, il y avait une association qui s'appelait l'ANMER, l'Association nationale de migration et d'établissements ruraux, qui organisait le départ des gens de l'Ouest pour aller vers les terres du Sud-Ouest en particulier, parce qu'il y avait des terres qui étaient vacantes dans le Sud-Ouest, et puis il y avait trop de gens, des familles trop nombreuses qui étaient dans l'Ouest, et donc on organisait leur départ, on organisait le convoi qui leur permettait de partir, on allait chercher pour eux des terres à l'endroit où ils allaient s'installer, on leur disait quel type de ferme ils allaient trouver, comment ils allaient s'y installer, on leur donnait une subvention à l'installation, etc. etc. Toutes choses qui ont été oubliées, parce que ça s'est arrêté en 1962 avec la fin de la guerre d'Algérie, l'arrivée des pieds noirs, et qu'il fallait leur trouver à ces pieds noirs en particulier, qui étaient des ruraux aussi, des terres. Et donc cette organisation s'est interrompue en 1962-1963 pour donc s'arrêter et ne plus fonctionner comme auparavant. On raconte aussi ce qu'a été cette grande aventure, qui est une aventure totalement silencieuse, très peu connue, de ce qu'on a appelé la décohabitation, c'est-à-dire comment en particulier des associations catholiques, mais pas simplement, ont pensé qu'à un moment, pour qu'il y ait un épanouissement dans les vies des couples et qu'il ne fallait plus que les belles-mères et les belles-filles vivent sous le même toit, qu'il n'y ait plus trois générations d'une même famille sous le même toit, les grands-parents, les parents, les enfants. Et donc, on a commencé à lotir, à s'installer, à créer des petites maisons au bout d'un champ, pas très loin, de l'autre côté de la cour. Et ça a été un profond changement, puisque ça voulait dire une autonomie pour les couples, donc, et en particulier pour les femmes au foyer, qui allaient pouvoir organiser le foyer de la façon dont elles le souhaitaient, ne plus être sur le couple de leur belle-mère, etc. Toutes choses qui étaient tout à fait nouvelles dans la société des années 60 et des années 70, et qui a été une véritable révolution qui s'est terminée vers le début des années 80. Ça, c'est ce que j'ai découvert en travaillant, en regardant comment, à bas bruit, cette société rurale avait profondément changé, pas simplement sur les modes de production, ça c'était très visible, on l'avait vu effectivement, les remembrements, toutes ces questions-là qui ont été des questions très fortes de ces années 60 et 70, mais aussi à bas bruit, avec des changements qui étaient presque des changements sociologiques très, très doux, presque invisibles, mais qui étaient des changements de très grande importance pour la vie quotidienne de ceux qui vivaient dans le milieu rural. Alors, pendant qu'il y avait ça qui se passait, il y avait donc cette modernisation à toute force, il y avait cette volonté de rattraper, pour le milieu rural, de rattraper les urbains, parce qu'il y avait dans les mêmes familles des gens qui partaient dans la fonction publique, qui partaient à la ville, dans les entreprises, etc. Et il y avait à un moment une fierté agricole qui voulait qu'on ne se retrouve pas avec une condition rurale qui soit moins élevé, entre guillemets, que les frères et les sœurs qui étaient partis à la ville. Donc, il fallait se moderniser. Les premiers congélateurs, ils n'ont pas été achetés en ville. Ils ont été achetés à la campagne, parce que ça a été la première manière de moderniser aussi la conservation de la viande, la conservation des légumes, d'avoir un approvisionnement régulier qui venait de soi-même, d'une certaine façon. Tout ça, c'était une modernisation très, très forte et très nouvelle. Les frigos, la télévision, tout ce qui arrive, l'électrification, évidemment, à partir du début des années 60, pour les derniers endroits où on était électrifié. Tout ça, c'est extrêmement considérable. Et puis, de l'autre côté, on a une société rurale, urbaine qui s'écarte progressivement de ce milieu rural, qui perd progressivement ses racines rurales, qui, parce que le temps fait son œuvre, a de moins en moins l'occasion de venir voir comment se modernise cette société rurale. Et c'est là où commence à naître le malentendu, si vous voulez. Pour moi, c'est le moment où ça commence à se séparer, c'est-à-dire que progressivement, il s'installe un discours urbain sur la terre, qui est un discours de malentendu, un discours un peu de mépris parfois aussi, et que ne comprennent pas les agriculteurs, parce que les agriculteurs, eux, ils ont dit, on a fait ce qu'on nous a demandé de faire. Pour ça, beaucoup d'entre eux, ils ont dit, voilà, on nous a demandé de ça, on a produit plus, on a nourri la terre, on a nourri les hommes, et donc, qu'est-ce qu'on nous veut, pourquoi on nous en veut, etc. Et là, il y a un moment, en particulier avec la fin des années 70, avec cette rêverie aussi de certains urbains qui veulent le retour à la terre, mais pas à n'importe quelle terre, pas à n'importe quel endroit. Ils viennent pas forcément s'installer à Pleuzévette, ils viennent plutôt s'installer sur le Larzac, dans le sud, etc., pour faire en particulier de l'élevage. Et c'est vraiment un moment où ça commence à coincer. Et je pense qu'un autre moment où ça coince vraiment, c'est les années 80. C'est à partir du moment où se sépare vraiment la question du revenu, qui était assuré jusqu'alors par les accords européens qui étaient négociés par la France à chaque round agricole, avec une sorte de libéralisation qui se met en place. Et à partir de ce moment-là, les surplus, trop de lait, trop de légumes, trop de tout, trop de beurre, trop de tout, et des prix qui s'effondrent. Et on dit, mais il y a trop d'agriculteurs. Et là, alors qu'on a fait des efforts 15 ou 20 ans plus tôt pour justement moderniser, pour justement faire partir de la terre les plus âgés, leur obtenir une indemnité vieillesse, etc. 15 ans ou 20 ans plus tard, faudrait remettre à nouveau sur le coup cette affaire-là. Et là, c'est vraiment très, très dur. C'est aussi des manifestations très violentes. C'est Édith Cresson, ministre, qui remonte dans son hélicoptère sous les huées des agriculteurs. Ce sont des images très fortes. Ce sont des moments un peu intense, sont des grandes manifestations à Bruxelles où on casse les feux tricolores, enfin les feux de circulation, on casse les panneaux, etc. Il y a des moments d'affrontement très, très forts. Et là, il y a, je pense, quelque chose qui niche de cette séparation, d'autant que dans la société urbaine monte l'idée d'une nature pure, propre, avec tout ce qui concerne justement les pesticides, le bio, etc., qui commence à monter dans cette fin d'année 80. Et là, une difficulté à s'entendre, simplement à s'écouter et à s'entendre. Pourquoi on n'arrive plus à parler la même langue, parler le même langage? C'est ce que j'essaye de raconter dans le bouquin, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'est de plus en plus difficile. Alors, il y a certes toujours des gens qui tendent la perche, qui discutent entre eux, entre des urbains et des ruraux. C'est pas totalement fermé, mais je trouve qu'il y a un moment où ça devient de plus en plus difficile de se faire comprendre pour les uns et pour les autres. Et c'est ce malentendu qui est le malentendu sur lequel repose en partie la démonstration, j'espère, enfin, voilà, c'est une démonstration, on peut la discuter, mais en tout cas, la thèse du bouquin, et aussi l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui, avec une rêverie sur la terre de gens qui ne connaissent plus la terre. Évidemment, on peut aller la semaine prochaine au salon de l'agriculture, mais est-ce qu'on connaît pour autant les conditions de vie rurales, ce que ça veut dire de faire de l'élevage, ce que ça veut dire de faire des céréales, ce que ça veut dire de faire pousser du maïs? Je pense que c'est pas en allant aux portes de Versailles et même à Villepinte qu'on le saura. Donc il y a cette incapacité à connaître vraiment cette vie-là. Et de l'autre côté, une sorte de crispation sur une identité rurale qui se trouve un peu mal à l'aise de ne plus être entendu, d'être accusé d'être des pollueurs, des gens qui polluent les sols, qui polluent les rivières, etc. Et donc, avec cette idée qu'on n'est plus, plus celui qui sauve, mais on est celui qui salit, alors qu'on a, et à qui on veut bien, à un moment ou à un autre, reconnaître le soin de jardiner le paysage. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, jardiner le paysage? Donc, toutes questions qui sont des questions très fortes et très dures, sur l'identité de ce qu'on fait, de ce qu'on fabrique, pourquoi on produit, qu'est-ce qu'on produit, à qui on le vend, comment on le vend, est-ce qu'on fait des circuits courts, est-ce qu'on fait des circuits plus longs, à qui tout cela va-t-il aller, est-ce que ça passe par des centrales d'achat ou est-ce qu'au contraire, on maîtrise de bout en bout la chaîne de production jusqu'aux consommateurs, etc., etc. Toutes choses qui remettent en cause là aussi considérablement la façon d'envisager son propre métier, la façon d'envisager sa place dans la société. Et donc c'est ce que raconte le bouquin, c'est pour ça que j'ai voulu l'appeler La France et ses paysans. C'est donc la question du rapport des uns aux autres et pas simplement des uns tout seuls ou des autres tout seuls. C'est le rapport qui m'intéresse et c'était la façon dont il y avait discussion, pas discussion, mauvaise discussion, bonne discussion entre les uns et les autres qui est au cœur de ce bouquin. Voilà un peu pour la présentation. On m'a dit qu'il fallait qu'on en discute ensemble. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez que j'aille plus loin, je peux pousser un peu plus loin la discussion. Mais au départ, c'était vraiment ça l'intention. C'était la volonté de raconter cette histoire-là, à la fois parce qu'elle était une histoire personnelle, à la fois parce qu'elle était née en partie ici. C'est pour ça que je suis revenu ici très volontiers. Et parce que je pense que c'est une part, je dirais pas secrète, parce que c'est pas un secret, mais c'est une part discrète de notre modernité qui n'a pas été tellement mise au jour, pas tellement été racontée, et que ça vaut le coup d'être racontée, parce que ce sont des aventures individuelles, ce sont des petites révolutions individuelles, ce sont des vies qui ont été profondément bouleversées par ce qui s'est passé dans ces années 60 et 70. Ce sont des gens qui ont changé profondément, et qui peut-être ont l'impression que ce changement n'a pas été perçu par les autres à la juste mesure, alors à sa juste mesure. C'est ça que je voulais raconter. Vous avez parlé de malentendu tout à l'heure. Là. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait un malentendu en ce qui concerne la vie rurale et puis la vie urbaine. J'ai lu un livre là, de Corentin Canivet, là, et puis il a dit... c'était préparé. Il faut donner aux paysans le goût de l'argent. Et puis, je vous explique ça à ma façon. Ouais. C'est que comme ça, on pourra lui vendre plus et acheter plus et gagner plus sur son dos. Quoi. Bon, je résume ça de cette façon-là, mais c'est la première part. C'est une vision, effectivement. Oui. Ensuite, vous avez dit que on n'était pas... que nos parents n'avaient pas pu nous transmettre... Mais c'était une situation vraiment figée, parce que quand un agriculteur restait maître de son exploitation jusqu'à 60, 65 Bien ans, sûr. 70 ans, son fils qui devait prendre la suite et qui prend ça à 50 ans, qui doit partager l'exploitation, enfin, en valeur, entre ses frères et sœurs, Absolument. Comment voulez-vous qu'il puisse moderniser une exploitation ? Bien sûr. Et je pense que ce n'était pas préparé non plus. Celui qui restait à l'agriculture, travaille à la ferme, il fallait qu'il ait des gros bras, que sa femme soit vraiment aussi costaud, et puis il saurait bien travailler sur l'exploitation. Et celui qui allait en ville, il fallait qu'il ait de l'instruction. Et c'est là que je trouve qu'il y a une petite amélioration à apporter, à dire ce soir et puis plus tard, c'est que les agriculteurs n'étaient pas préparés pour leur métier. Ils n'étaient pas formés. Et les autres, il y a eu un très fort... effort de formation qui a été fait, mais simplement à partir des années 60, effectivement. Oui, avec les CETA, les groupes, Absolument, les CETA. Les groupes de vulgarisation, etc. Quoi. Mais en 1958, les jeunes du coin ici ont fait un voyage en Hollande et nous avons vu qu'il y avait une pression démographique importante là-bas, que les superficies par exploitation n'étaient pas plus importantes qu'ici, parce qu'ici, il y avait des grandes et des petites, mais les Hollandais, ils étaient formés à prendre une exploitation, il fallait qu'ils aient le diplôme voulu, et puis ils étaient tellement bien formés qu'ils s'entendaient entre eux et qu'ils n'étaient pas divisés comme en France avec 7 syndicats dans le Finistère. Ah oui. Hein, divisés pour régner, hein, vous connaissez. Et en Hollande, alors, le principe c'est ceci. Nous avons donc eu un film de fait, il était muet. Nous avons discuté entre nous, trois ou quatre là, de notre secteur ici, et on a donc rendu ce feu muet parlant, quoi, à partir de nos discussions. Maintenant, avec les moyens modernes, on arrive à arranger bien des choses. Alors, ce qu'on remarque, ce que je disais, c'est la chose la plus importante. Il y avait moins d'ignorants en Hollande qu'en France en ce qui concerne le métier de l'agriculteur, parce que c'est un véritable métier. C'est un véritable. Parce qu'il faut connaître de tout et plein de choses. Quoi. De la chimie des sols, de la chimie générale, un tas de choses. Alors, pour arriver aux questions d'argent, parce que il faut bien y penser. Bien sûr. Mais on a dit aux agriculteurs, vous pouvez travailler et puis nous, on s'occupera de vous. Quoi. Et on vous fait vos factures. Si vous êtes ingénieur, vous n'avez pas le droit de faire même votre comptabilité. Ce n'est pas reconnu par le fisc et tout ça. On a été menés par les bouts du nez. Quoi. On a créé énormément de structures. Des centres de gestion. Oui, de structures également, de mutualité. Des coopératives. Des coopératives. On a bien payé le directeur, le sous-directeur, le directeur adjoint, les secrétaires. C'est normal. C'était des salariés. Mais les agriculteurs, ben, il semble qu'on les ait un peu oubliés et qu'on leur donnait les restes, comme après un repas, on donne les restes aux chiens. Quoi. Maintenant, on donne les croquettes, c'est autre chose. Ouais. J'avais ce petit point-là, parmi tellement de belles choses et de bonnes choses que vous avez racontées, mais il faut toujours essayer d'améliorer. Bien sûr, quoi. Vous avez raison. Bon, je passe le micro à quelqu'un d'autre. Merci, mais monsieur. Oui, bonsoir. Ben, moi, en fait, je reprendrai un peu ce qu'a dit monsieur. Peut-être pas... Bon, ben, je peux me présenter si vous voulez. Je ne sais pas si ça apportera grand-chose, mais je ne sais pas ce que vous voulez savoir. Je m'appelle Michael. On peut considérer que je suis un rurbain ou quelque chose de cet ordre-là. Retour au pays. Juste par rapport à ce que vous disiez au départ, et pour faire pendant à ce que disait monsieur aussi, vous parliez d'un malentendu entre la France, enfin la société rurale et puis les citadins de façon globale. Moi, j'aurais le sentiment, alors de l'extérieur, hein, bien entendu, je suis pas d'un milieu agricole spécifiquement. J'aurais le sentiment plutôt d'une forme d'imposture et le sentiment que les paysans se sont vus abuser au tournant de ce qu'on a appelé cette fameuse révolution verte. Et donc ben, abusé par le monde de la chimie, abusé par le monde de la finance, hein, avec toutes ces histoires de marchés de matières premières, la bourse de Chicago, les marchés à terme et autres. En fait, ils avaient été mobilisés pour nourrir la population, mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'on se retrouve en situation de surplus. Surproduction. Avec l'absurde absolu, enfin, au sens de la logique... de nourrissage pur où en fait on s'amuse à faire du business encore sur la pénurie et alors qu'on a largement de quoi nourrir la population mondiale, on se rend compte aujourd'hui que, ben, qu'il y a encore des milliards de personnes qui meurent de faim à l'heure actuelle et je pense que souvent je discute avec des copains écolos qui ont tendance à un peu trop rapidement à mon sens à cracher sur les agriculteurs actuels en disant, ouais, comme vous disiez tout à l'heure, un peu, ils polluent les sols, ils polluent l'air, ils polluent l'eau, ils polluent tout. Mais effectivement, tout ça, ça s'inscrit dans une histoire. Et moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a une gigantesque imposture là-dedans. On les a amenés à cette situation Alors, il faudrait malgré pas... eux, quelque part. Et, J'entends très bien ce que vous dites, mais il faudrait pas... je pense que la pire des choses, c'est de dénier aux gens leur choix individuel. Il n'y a pas simplement qu'on les a poussés, on leur a demandé, ils ont voulu aussi. Et ça, c'est important que de le dire, parce que c'est leur rendre leur volonté personnelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été que des acteurs manipulés par un marché, manipulés par un gouvernement, ils ont été des gens qui ont été des acteurs sensés, ils ont réfléchi, ils ont pensé, ils se sont dit, c'est pas possible de continuer à vivre dans les conditions dans lesquelles on vivait auparavant. Ce que me disait un des agriculteurs que j'avais rencontré à Plozévet, c'était, mais... vous savez ce que ça veut dire de faire 3 arts par 6, 5 arts par là, avec aller se trimballer avec un attelage pour aller d'un endroit à l'autre, etc. Cette modernisation, ils l'ont voulu parce qu'ils ont vu aussi le bénéfice qu'ils pouvaient en tirer. Alors, ils n'ont pas toujours vu les conséquences de ce bénéfice. Ils n'ont pas pensé 3 coups à l'avance. Peut-être que des gens ont pensé pour eux 3 coups à l'avance. Mais je pense qu'il faut rendre aux acteurs leur logique et leur choix personnel. C'est-à-dire qu'il faut dire que c'était des gens qui n'étaient pas simplement des marionnettes du marché, mais des gens qui avaient vraiment réfléchi auparavant. Ils avaient été conscientisés, ils étaient entrés dans les mouvements de l'Action catholique, ils étaient entrés dans des mouvements comme ça, où on leur avait dit, la trilogie, c'était... assez... Quelqu'un peut me la rappeler, la trilogie, je ne me souviens plus de la trilogie. Voir, juger, agir, voilà. Voir, juger, agir. Donc, on voit, on juge, on agit. Et c'est comme ça que les CETA se sont créés. C'est comme ça que tout un tas de mouvements se sont créés pour pouvoir justement moderniser le monde rural. Et donc, ils ont été acteurs de leur changement. Après que ce changement se soit emballé, que ce changement leur ait échappé, que les marchés internationaux s'y soient mis et que de la spéculation sur des cours de céréales s'y soient mis, c'était pas donnée au tout début, ou si ça l'était, en tout cas, personne ne le savait véritablement. C'est ça que je voulais dire, et je vous ai interrompu, je m'excuse de vous avoir interrompu. Il n'y a pas de souci. Enfin, mon idée, ce n'était pas de dénier la qualité d'acteur complètement, mais effectivement, comme vous l'avez dit, à un certain moment, la machine s'emballe, et puis voilà, la machine s'emballe. Je pense que ça doit faire mal au cœur quand on met toute son énergie et toute sa vie à produire du lait, parce qu'on vous a demandé de produire du lait, d'être obligé de le jeter, à tout jeter au caniveau, parce que les marchés n'en veulent pas, alors que c'était en ce sens-là, quoi, ouais, surtout. Et puis de se rendre compte que la terre qu'on a choyée depuis des générations et des générations, à un moment donné, elle est totalement épuisée. Et c'est la spirale infernale avec toujours des amendements et des intrants. Voilà, c'était dans ce sens-là. Et comme image, je trouvais que c'était assez significatif, et ça correspond à peu près à la même période. Tous ces antiquaires qui se baladaient, notamment dans le Cap Sizun, et qui, sur une idée de progrès, vous reprenez votre drustyle finement ouvragé contre une cuisine en formica, une pauvre cuisine en formica. C'est un peu parfois l'idée à laquelle ça me ferait penser, quoi. Et voilà, c'est bon. Je voudrais vous lire à ce propos un extrait de ce que nous a dit justement, en l'occurrence, Edgar Pisani. Il faut que je retrouve dans ce livre. Mais c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que c'est un homme qui regarde après coup sa propre responsabilité d'une certaine façon. Alors, je lui dis... Alors, il a voulu proposer, alors c'était la modernité, etc., ce qu'ils ont inventé justement dans ces années 60. Et je lui dis, tout en acceptant de s'entendre rétorquer, mais qu'est-ce que vous avez fait sur votre propre territoire il y a 40 ans, en remembrant un grand coup les exploitations, en détruisant les haies et en faisant de grandes exploitations sans aucun arbre? Et voilà ce que me répond Edgar Pisani, donc vieil homme aujourd'hui, mais qui se retourne sur son passé. Il dit « Pourquoi remets-vous le revolver dans ma plaie ? Il est incontestable que j'ai été fasciné par les exigences techniques des tracteurs, qui étaient en effet d'élargir les parcelles. Je me reproche maintenant, honnêtement et profondément, de ne pas avoir compris qu'il fallait fixer une limite, car dans une certaine mesure, le remembrement et l'abattage des haies étaient légitimes et sans inconvénient. Mais la suppression des haies et des rivières en général a bouleversé le paysage dans certaines régions. J'en suis un peu responsable et je me sens un peu coupable. » Et je trouve que quand un homme qui a été aussi important, un véritable homme d'État, pourrait-on dire, vraiment, c'est un des rares hommes d'État. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent se balader dans le milieu rural. Moi, j'ai vu des visites, en particulier dans le Limousin d'Edgar Pisani, avec des agriculteurs qui venaient quasiment l'embrasser en lui disant « Mais Monsieur Pisani, c'est grâce à vous qu'on a pu se moderniser, etc. » Donc c'est un vrai personnage populaire, mais c'est un personnage populaire qui arrive à avoir cette grandeur de réflexion, de se mettre à distance et mettre à distance sa propre action, et de se dire que peut-être c'est allé un tout petit peu trop loin par rapport à ce qu'il avait pu escompter, voulu, espérer au moment où il l'avait mis en œuvre. D'autres... questions, d'autres réflexions, monsieur. Bonjour, donc je suis venu de Dordogne vous écouter, c'est pas mal. Bonjour. Bravo, merci. En vélo, ouais, on me ramène dans une charrette. Oui, ce que je voulais dire, vous avez, à un moment, vous avez dit qu'on ne sait plus trop qui étaient les agriculteurs, peut-être qu'il ne fallait pas utiliser le mot agriculteur de façon très générale. Alors, on pourrait peut-être essayer de préciser. Sur, comme on est dans cette région-ci, on est sur une base d'élevage, alors l'élevage laitier dont on vient de parler, et l'élevage porcin, il y a Poultrosic, il y a le pâté Enaf, qui rend paf, et puis il n'y a pas que ça, quoi. Alors je vais plutôt, dans cette affaire-là, passer très vite sur l'élevage porcin, mais c'est pour dire que dans ce que vous avez dit sur les échanges urbains, ruraux, tout ça, on ne voit pas assez le mécanisme industriel qui s'est mis en place. Bien sûr. C'est-à-dire qu'au niveau porcin, l'éleveur, si on peut appeler éleveur, disons le producteur porcin, est un homme qui travaille à la tâche, sous consigne, sous protocole, sans être sûr d'avoir son argent au bout, et qui est en plus d'un système d'endettement permanent. Hein ? Alors, pour lui, à ce moment-là, l'effectif porcin, c'est ce qui compte. Et c'est lié à la surface d'épandage ou à des moyens financiers supplémentaires pour traiter. les effluents. Or, cette histoire de surface d'épandage finit par dire qu'on ne regarde plus le sol. Mmh. C'est-à-dire, si on peut épandre sur un parking ou sur une terre, c'est pareil. Il faut comprendre ça. Hein. Mmh. Même quand on parle d'instrumentaliser des zones humides pour détraiter l'eau, il faut voir jusqu'où on va aussi. Hein. Alors, il y a ça, mais je voudrais surtout parler de l'élevage laitier, parce que c'est un métier comme particulier, où il y a un rapport de l'éleveur à son troupeau, encore. Il y a un rapport à moins de mettre le troupeau à l'auge. Hein. Ouais. Donc, à ce moment-là, on arrive à être dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, on va chercher ses protéines dans ce qu'on appelait le tiers-monde à une époque, mm-hmm. l'époque de Pisani, mm-hmm. à peu près. Quoi, hein. On fait marcher les ports de Brest, de Lorient, tout ça. Puis, à la limite, le fournisseur d'aliments de bétail, c'est celui qui fait sa plus-value. Et de l'autre côté, l'industriel fait sa plus-value. Mais surtout, le banquier qui a été entre tout ça, c'est lui qui fait sa plus-value. Quoi, hein. Mm-hmm. Alors, il faut voir ce mécanisme-là bien en place, parce que là, quand on parle de responsabilité individuelle, je vais prendre l'exemple de la Sodiaal, qui est quand même une grosse coopérative. C'est pas, il y a Lactalis, par exemple, qui sera en face, hein, mais c'est Sodiaal, c'est les agriculteurs qui l'ont voulu. Quoi. Bon, ils ont leurs administrateurs. Alors, j'ai assisté, ça fait à peu près un mois, là, quand il y avait les campagnes électorales autour de la Chambre d'agriculture. À Plogonnec, j'ai assisté à une discussion de 100 éleveurs du même territoire qui ont fait venir plusieurs candidats, plusieurs listes. Quoi. Pour les écouter, pour entendre ce qu'ils avaient à dire. Pour entendre ce qu'ils avaient à dire. Le principal syndicat n'est pas venu. Hein. La FDSEA ne s'est pas déplacée. Mmh. Bon. Par contre, il y avait des administrateurs locaux de la Sodiaal. Mmh. Donc, c'était à eux d'expliquer en toute bonne foi, en toute sincérité, hein, que le lait de Plozévette, c'était mieux de l'envoyer soit pour faire de la pâte dite entremont, fromage râpé, entremont, enfin les. Hein, on fait les trous, on fait de la pâte et on fait des trous dedans. Quoi. Les mentales. Bon. Et puis les mentales, voilà, ouais. C'est ça. Hein. Donc entremont, marque bien connue partout. Ouais. Alors, et de l'autre côté, donc, de faire de la poudre de lait. Tous les tours de séchage de lait étant regroupés sur carré dans le cadre d'un contrat vers les Chinois. Bon, d'ailleurs, c'est techniquement très, très sophistiqué. Mais donc, pour les administrateurs, que des camions laitiers se baladent de Plozévette pour aller à carré, c'est très court pour eux. Il ouais. Bon. Faut comprendre ça. Quoi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que alors, c'est cette logique, vous voyez, les deux logique à l'œuvre. Les deux chaînes de fabrication ouvrière là qui sont en question, c'est dans l'idée que si on peut concentrer la production avec un ou deux bons ingénieurs et plein de gens à la main d'œuvre, qu'on paye pas trop cher, ça fait beaucoup moins d'ouvriers à payer. Donc on va être plus riche au bout. Et en fin de compte, c'est pas ça qui se passe. Ça fait beaucoup de cadres d'une sorte de cadre administratif. C'est ce que disait monsieur. Qu'il faut, et en plus les conseillers pour faire admettre aux agriculteurs qu'ils doivent travailler dans cette file-là. Alors, comme ça ne suffit pas, eh ben, on passe au contrat individuel. Et avec pénalité si on ne passe pas le contrat de cahier des charges pour la production laitière. Vous voyez ? Alors, il y aurait peut-être un autre modèle qui serait sur un territoire comme ça, développer, profiter de la microfiltration du lait, des trucs comme ça, de monter quelques ingénieurs qui sortent de, je sais pas, Gros Campus Ouest, machin chose, qui font une petite start-up ou je sais pas comment on appellerait ça, qui travaillent en solidarité avec une soixantaine d'agriculteurs, d'éleveurs, quoi, hein, et peut-être sortir un circuit plus court. Le pavé de Plozévette, le yaourt de machin, les trucs comme ça. Or, ou bien on va vers un truc totalement individualiste, c'est-à-dire l'éleveur assez important ou qui a de la famille. Qui sort de la coopérative. Qui fait son tout à la ferme, quoi, si on veut, ouais. Et même son yaourt, sa viande, tout ça. Ou bien on est dans le gros machin super grande échelle pour gagner du temps de salarié. Et puis entre les deux, il y a plus qui valoriserait. Alors, il faut savoir que les éleveurs, si on prend la filière lait dans le Finistère, même en Bretagne, enfin, disons dans le Finistère, c'est ce qui a le moins de plus-value. Hein. Par contre, il y a beaucoup de cadres de direction machin, du secteur yaourt, du secteur ceci, du commerciaux, machin, tout. Quoi, hein. Et donc, vous voyez, la responsabilité, je veux bien. Mais par exemple, ces gens-là, certains avaient envie de venir ce soir, mais ils étaient à une réunion à Quimper, justement, sur ces questions-là. Quoi. Donc, écoutez, merci. Merci de cette analyse qui, effectivement, est très précise. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'en fait, en travaillant sur ce bouquin, j'ai toujours, partout, croisé la Bretagne. C'est-à-dire que la Bretagne a vraiment été le lieu d'innovation le plus, alors les pires innovations ou les meilleures innovations, mais le lieu d'innovation le plus, de fermentation pourrait-on dire, le plus incroyable de ces 60 dernières années en termes d'agriculture. C'est-à-dire que si on prend tous les autres exemples de tout le reste de la France, il n'y a pas autant d'exemples. Ça part de Saint-Paul de Léon avec les bagarres à Morlaix, la préfecture en 61. Ça vient jusqu'à André Pochon et à son manifeste. Ça passe par tous les trucs, tout passe par ici. C'est pas pour vous dire que vous êtes au centre du monde, c'est pas ça que je veux vous dire, mais je veux dire qu'il y a ici quelque chose qui. Alors pourquoi ? Ça, je peux pas l'expliquer. Est-ce que ça tient à. Une prise de conscience plus ancienne à ce syndicalisme agricole qui a été très, très fort ici dès les années d'après-guerre et même peut-être à cause de la Jacques dès avant la seconde guerre mondiale. Je ne sais pas si ça tient à ça, mais enfin, il y a sûrement quelque chose qui tient à ça. Mais il y a vraiment, ce lieu était un lieu d'expérimentation très fort. Et visiblement, d'après ce que vous êtes en train de raconter, monsieur, ça peut encore l'être aujourd'hui. Oui. Ce sont des gens qui, par exemple, en 2009, sont venus distribuer du lait dans le cadre du. Quand le c'est effondré, oui. Mais je ne sais pas si c'est encore possible aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a été un lieu de vraiment d'innovation, où il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que c'était des éleveurs peut-être aussi, parce que c'était aussi tous les maraîchages, etc., qui avaient aussi de l'importance. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais il s'est passé quelque chose d'un peu particulier qui fait que c'est une région particulière par rapport à toutes les autres régions. Alors, on pourrait dire le sud-ouest. Oui, le sud-ouest, le maïs, ça a été une vraie innovation. Le maïs a été l'implantation et le développement du maïs dans tout le sud-ouest de la France. Ça a été une véritable révolution, pourrait-on dire, agricole. Ou le tournesol, ou les oléagineux, etc. Mais ça a été des révolutions qui étaient des révolutions un peu... spécialisé, si vous voulez. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu à la fois des coopératives, des initiatives individuelles, les Britanniferies, enfin, tout ce qui a pu se créer, la création de marchés, faire plier le gouvernement pour l'obliger à faire des routes qui soient convenables pour venir jusqu'ici, pour pouvoir évacuer sa marchandise plus rapidement vers la capitale, enfin, toutes choses, etc., qui ont été des choses extrêmement importantes et qui ont été vraiment pionnières dans le rapport que les agriculteurs, peut-être un rapport de bras de fer aussi, ont pu établir avec le reste du territoire français et en particulier avec les gouvernements français, mais aussi avec Bruxelles, etc. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose... Bon, je cite le cas de Anne-Marie Crollet, la première femme à diriger une fédération de la FDSEA, c'était quoi, en 76, autant que je me souvienne, ou 75, ou 73, je ne sais plus, enfin, au tout début des années 70. Même si ensuite elle n'a pas été successeuse à ce poste-là, mais enfin toujours est-il que ça a été le cas. Il y a eu des choses aussi qui se sont passées ici, qui ont été des choses un peu pionnières et nouvelles et innovatrices, qui sont assez intéressantes dans ce domaine-là. Je voulais intervenir par rapport à l'intervention précédente. Donc malheureusement, je vois que le malentendu est toujours d'actualité parce que des personnes qui sont peut-être issus du milieu agricole ou qui ont pris quelques distances, jugent encore d'une façon particulière justement les pratiques actuelles. Et c'est tout ça pour dire que justement, en prenant l'exemple de ma production en production porcine, tout n'est pas, comme monsieur vient de le lire, où le sol est une poubelle où on déverse des tonnes de lisier. Non, je pense que c'est une vision des choses qui est passéiste. Hein. C'est plus de... Alors, dites-nous justement comment ça se passe, parce que c'est vrai que ça peut être utile pour éclairer l'ensemble de l'Assemblée. Par exemple, sur mon exploitation, donc l'élevage est en cohérence avec la surface que je travaille, donc la production. La production donc, est totalement utilisée sur l'élevage. Donc, il n'y a pas de... Des fluents qui est en surdosage par rapport à la surface qui est... la surface d'exploitation. Donc, mais c'est vrai que c'est une vision que. Mais comment faites-vous justement pour pouvoir être en adéquation parfaite entre la surface que vous avez à exploiter et l'exploitation que vous avez ? Parce que ça ne doit pas être évident de maintenir une exploitation, d'avoir exactement la bonne surface pour pouvoir justement permettre les effluents. Ça doit pas être, c'est un calcul qui est encore plus compliqué, j'imagine, que d'autres calculs en l'occurrence. Mais disons qu'on a, enfin, nous, on a fait un choix de maintenir toujours la production justement de façon de ne pas à croître que, de façon voilà, de ne pas croître et de fonctionner au maximum en autonomie quoi donc de transformer sur place et, vous faites donc, la transformation de l'aliment pour la consommation des animaux quoi. Ouais. Et donc voilà c'est un peu le principe et, c'est une sorte de circuit fermé quoi d'une certaine façon. Et donc aussi bon au niveau agronomique bon on a un suivi c'est un sol c'est vivant donc on n'a pas on déverse pas n'importe quoi dessus. Vous n'avez pas intérêt. Plaisir, hein. C'est vous n'avez pas intérêt à le tuer, oui. Voilà justement et puis au niveau économique on peut pas se permettre de payer des intrants qui seraient trop importants par rapport à ce dont vous avez véritablement besoin. Donc, on a toujours une gestion pointue de ce qu'on apporte. Hein. Et justement, puisque vous êtes... Je suis désolé, je vais faire une interview, mais c'est un peu mon boulot, généralement. Mais puisque vous êtes justement de ce milieu-là, sur cette question du malentendu, vous dites à monsieur, il y a encore malentendu. Vous avez cette impression-là en tant que agriculteur. D'ailleurs, vous vous qualifiez comment vous-même ? Est-ce que vous qualifiez de paysan, d'agriculteur, d'exploitant agricole ? Qu'est-ce que c'est le terme que vous préférez quand on parle de... Je n'ai pas de terme particulier. Non, moi, je suis agriculteur ou paysan. Et donc, ce malentendu, vous le ressentez justement par rapport à d'autres populations, d'autres Français qui ne vivent pas de la terre ou qui vivent un peu éloignés de la terre ? Vous n'avez pas cette impression-là ? Parfois, on peut le ressentir. C'est vrai que dans les interventions de que ce soit dans les médias ou autres, où les gens ont vite fait de classifier en fait les pratiques agricoles comme étant nuisibles et puis toujours au détriment de l'environnement. Alors que je crois que malheureusement, c'est un peu de notre fait aussi. Peut-être qu'on ne se fait pas suffisamment entendre et puis expliquer notre métier aussi. Mais... Et ça fait, mal quand, on vous qualifie comme ça. Enfin, vous le prenez mal en mauvaise part, j'imagine. Non, c'est souvent l'accumulation de certains griefs qui font qu'au bout d'un certain temps, on se dit ben, ouais, ça fait quand même beaucoup. La barque est un peu pleine. Et puis je crois que pour revenir aussi à la modernisation de l'agriculture, je crois que c'était aussi certainement une volonté de chaque agriculteur de sortir de son, on peut dire, presque la misère qu'il y avait avant. Bien sûr. Et comme on disait du formica et tout ça, c'est vrai que les gens voulaient un changement et ils voulaient plus rester dans le milieu qu'ils avaient connu. Et puis, c'était la tendance générale dans la société. Hein. Je crois que tout le monde tendait vers la modernité et puis avoir des conditions de vie meilleures. Quoi. C'est ça un peu ce que tendaient à avoir les gens de la terre aussi. Quoi. C'était une juste demande. Quoi. Et ça, c'est ce que j'essaye de raconter, c'est effectivement, il faut se remettre dans le contexte de l'époque pour pouvoir le comprendre. Effectivement. Voilà, c'est ça. Hein. Merci. Monsieur, voulez-vous répondre ? On va faire un dialogue à distance. Attendez, je vous donne le micro parce que c'est... Oui, je voulais surtout parler des éleveurs laitiers. Je ne pense pas que j'en ai parlé d'une façon négative, sinon pour expliquer leur souffrance à eux. Hein. Mais donc j'ai passé un peu vite sur le porc, effectivement. Mais j'ai commencé mon intervention en disant que fallait pas oublier le processus d'industrialisation qui s'était passé. Donc c'est ce processus d'industrialisation que je mettais en cause. Et je parlais par exemple des ports de Lorient ou de Brest, des nœuds routiers pour les fabricants d'aliments de bétail, qui finissent par tenir la filière pour peu que l'éleveur se fasse prendre dans un système d'endettement. Et il y en a beaucoup. Bon, évidemment, quand l'agriculteur arrive à maintenir sa production en rapport avec ce que sa terre peut produire, ça fait autre chose. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est quand même qu'on demande des plateformes routières bien positionnées à partir des ports et à partir des nœuds ferrés. pour que les agriculteurs aillent se fournir en aliments de bétail avec leur benne à tracteur. Et on demande aussi, par exemple, je vois que c'était les fabricants d'aliments de bétail de Brest, quand il y avait une grève des dockers, qui demandaient qu'on ramène la troupe tout vite fait, parce que les élevages allaient tomber en panne et les cochons mourir de faim. Et ce sont les mêmes qui demandent qu'on passe la norme de plus 40 tonnes pour les camions pour qu'ils puissent amener ça dans les fermes plus vite, ou au moins jusqu'aux plateformes, et qu'après, c'est l'agriculteur qui se paye les frais du déplacement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ceux-là, effectivement, ont besoin de surfaces d'épandage qui n'ont plus rien à voir avec la qualité du sol. Et c'est un problème interne aux éleveurs, ce n'est pas un problème pour critiquer les éleveurs en tant que tels, quoi. Merci. Ça vous satisfait comme explication, monsieur ? Oui. Allez-y, on vous redonne un micro. Je disais qu'il faut revenir un peu sur l'historique. Pourquoi les exploitations en Bretagne se sont modernisées de cette façon ? C'est que les surfaces étant restreintes, la seule possibilité de tirer un revenu, c'était d'intensifier. Bon, après, on sait ce que ça peut donner, mais bon, je crois qu'il faut penser à ça aussi. Hein. C'est vrai que chaque ferme ayant une structure réduite, par ce biais-là, a permis de se développer. Quoi. Donc, Oui, mais en l'occurrence, pour ce travail que je voulais, c'était justement un travail historique, c'était pour remonter aux racines de ce que j'ai appelé le malentendu. En fait, effectivement, c'est de raconter ce que vous m'avez dit et ce que disait votre père, effectivement, qu'il fallait se remettre dans la tête de ceux qui avaient mis en place cette modernisation, pourquoi ils l'avaient fait, pour mieux comprendre pourquoi elle s'était... Alors, si elle s'était emballée, pourquoi elle s'était emballée, mais en tout cas, quelles avaient été les motivations de ceux qui s'y étaient mis. Moi, il se trouve que mon père était directeur de coopérative agricole, enfin, gérant de coopérative agricole. Il a vendu des intrants à tout le monde. Donc, il était à la fois agriculteur et il est responsable, d'une certaine façon, de la pollution, si on parle comme ça, des sols. Il a vendu du Roundup, a pu savoir qu'en faire. Il a vendu, je ne sais quoi, pendant des dizaines d'années. Et en l'occurrence, il ne l'a pas fait parce qu'il voulait empoisonner les gens. Il l'a fait parce qu'ils le faisaient tous, quand ils étaient tous dans ce milieu-là, parce que ça améliorait les rendements, parce que la qualité panifiable du blé, en particulier, était bien meilleure après qu'avant, et parce qu'au bout du compte, il pensait que ça allait faire ça allait permettre aux gens de mieux vivre à la terre. La duperie, s'il y a une duperie, pour répondre à ce que disait monsieur ou ce que disait monsieur, c'est qu'en fait, une des choses, comme disait mon père avant de mourir il y a une quinzaine d'années, c'est: j'ai pas fait ça pour qu'il n'y ait plus personne à la terre. Ils avaient fait ça pour qu'il y ait des gens qui continuent à faire la terre. Bon, il m'a fait faire des études, je suis là en train de vous parler. Mon frère a fait des études, il est parti faire de l'expertise comptable. Ma sœur a fait des études, elle est partie à Paris. Il n'y a plus personne qui a repris la ferme. Et au bout du compte, s'ils avaient fait ça, ces gens-là, c'était parce qu'ils voulaient qu'il y ait des gens qui prennent la ferme dans des meilleures conditions que eux ne l'avaient prise auparavant. Bon, et en même temps, la duperie, c'est qu'il y a eu de moins en moins de gens qui ont fait la ferme, et ceux qui sont restés, ils ont pris les plus grandes exploitations, ils sont plus endettés, etc. Maintenant, c'est mon beau-frère et c'est mon cousin qui font la ferme à notre place. Et c'est vrai que c'est une des vraies questions, c'est-à-dire pourquoi des gens ont voulu ça. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Et si on se remet dans la tête de ceux qui ont voulu faire ça, ça permet de mieux expliquer ce qui s'est passé ensuite. Alors après, ça ne justifie rien, ça n'explique pas les erreurs, ça ne dit pas ils ont eu tort ou ils ont raison. Ça permet de faire un vrai processus historique, c'est-à-dire de comprendre les raisons des acteurs à chacun des moments, des périodes qui se sont déroulées. Et c'est ça qui me paraît important dans ce contexte-là. C'est-à-dire de ne pas juger a posteriori ce qui a été fait. Bon, on peut le juger, on peut dire c'est une erreur, etc. Mais ne pas juger ceux qui l'ont fait sans comprendre pourquoi ils l'ont fait. Et ça, je pense que c'est très utile dans un vrai processus historique que de travailler sur ce truc-là plutôt que de passer comme ça son temps à condamner après coup les gens alors qu'ils ne sont plus là pour pouvoir se défendre. Donc ça, c'est très important. Je suis salarié du para-agricole depuis un peu plus de 30 ans. Je tenais d'abord à faire une petite remarque. J'entendais dans une émission à France Inter, ça devait être samedi dernier ou samedi avant, une remarque disant c'était sur l'eau, c'était sur la qualité de l'eau, et dans l'émission, un des journalistes s'insurgeait pour dire les agriculteurs polluent l'eau. Ça parlait notamment de la Bretagne. Et c'est le consommateur qui paye. On n'est plus dans la logique pollueur-payeur. Alors, tout ça, ça contribue au malaise. C'est pas totalement vrai et c'est pas totalement faux non plus. Mais c'est aussi lié au fait que le mode de le mode de structure agricole que l'on a construit et l'agriculture qu'on a élaborée à partir de ça et l'organisation des marchés ne permet pas est-ce qu'on paye aux agriculteurs le juste prix le juste prix et ne serait-ce que de quoi pouvoir même appliquer le précepte pollueur-payeur. Voilà, donc ça me pose un gros problème. Concernant l'agriculture, je crois qu'actuellement, il y a une révolution lente, une autre grande révolution qui est en train de se dérouler. Depuis 32 ou 33 ans que je sillonne les fermes et je suis fils d'agriculteur, on était à 5 à faire mon métier quand j'ai commencé il y a 30 ans. Je suis seul sur ce territoire-là maintenant. Ouais. Et actuellement, on est sur le canton ici, 45% des agriculteurs ont plus de 50 ans. Un agriculteur qui a 40 ou 45 ans, on dit que c'est un jeune agriculteur. Il y a plus de demandes d'installation, d'exploitation de gens qui ne sont pas issus du milieu agricole que de gens issus de l'agriculture. Donc, on va vers une révolution et de la société et de la société paysanne en elle-même. Et je crois que c'est une mutation à laquelle la société ne s'est pas préparée, à laquelle, il faut le dire, les responsables professionnels ne se sont pas préparés. Donc, ça nous tombe dessus. On se rend compte qu'on n'aura plus personne pour reprendre les fermes à échéance de 10 ans. Et on s'y prépare quand on a la quasi-totalité des agriculteurs qui ont plus. Alors, en gros, maintenant, 50 ans, vous êtes jeune agriculteur. 60 ans, vous êtes retraité, quoi. Carrière, c'est un peu plus long. C'est vrai, et une des choses qui est difficile à savoir, par exemple, je traite d'un sujet, il y a un petit chapitre très court, enfin même pas un paragraphe plutôt, sur cette douleur particulière, qui est une douleur là aussi à bas bruit, parce que la révolution que vous êtes en train de décrire, c'est une révolution à bas bruit. C'est-à-dire quand on la verra arriver, ça sera trop tard. C'est-à-dire qu'on ne l'aura pas vu venir. Et on se retrouvera dans le rétro, on se dira, mais d'où ça vient cette affaire-là? Ben oui, il n'y aura plus personne pour faire la terre à un moment donné. Mais c'est aussi la question des suicides agricoles, toutes choses qui ne sont, sont pas agréables à dire et que personne ne veut mettre en avant. Pour avoir des statistiques, pour faire ce bouquin, c'est absolument impossible d'avoir des statistiques réelles. Puisque en fait, quand il y a trois cadres de France Télécom ou de chez Renault qui se suicident et qui se jettent par la fenêtre, ça fait la une des journaux pendant à peu près 5 mois. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours ou tous les 3 jours un peu partout sur le territoire français. On n'en entend jamais parler. Évidemment, c'est 1+1+1+1. Ils n'appartiennent pas à la même entreprise. Ils ne font pas partie d'une structure dans laquelle on peut dire qu'il y a un responsable au-dessus qui a conduit à ça. Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement désagréables à dire et pas faciles à raconter, d'une certaine façon, mais qui sont là aussi pour montrer ces évolutions à bas bruit, qui sont des évolutions extrêmement douloureuses aussi pour ce milieu agricole. Parce que alors ça peut être l'endettement, ça peut être la solitude, ça peut être aussi l'incapacité, ça peut être aussi la moquerie, ça peut être tout un tas de choses. Je ne sais pas, moi, j'en ai pas parlé dans le bouquin parce que ce n'était pas encore le phénomène que c'est devenu. Je ne sais pas ce que fera à long terme le succès d'une émission comme L'amour est dans le pré. Je sais pas ce que ça va faire. Je sais pas. Non, mais je veux dire, j'en rigole pas. Je sais pas si ça sera positif ou négatif. Ce regard porté par la société urbaine sur ces gens qui cherchent mari ou femme dans le milieu agricole. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va finir par porter des fruits positifs ou est-ce qu'au contraire ça accentuera encore un regard de délaissement, de mise à l'écart? Je ne sais pas ce que ça donnera, mais c'est important parce que tout ça, ça participe d'une discussion autour de ce qu'on croit savoir, de ce qu'est le milieu rural, de ce qu'est le milieu agricole. Et ça, on ne peut pas le déterminer à l'avance. On ne saura pas. C'est comme pour l'évolution que vous êtes en train de décrire. Ça sera dans 10 ans, dans 15 ans qu'on en mesurera les effets positifs ou négatifs. Je ne sais pas ce qu'il en sera. D'autres questions? Attendez, on va vous... monsieur là-bas, allez-y, vous avez le micro. Mais attendez, j'ai pas le chiffre en tête, monsieur, mais je le donne dans mon... la dernière statistique que j'ai, C'est une enquête menée en 2010 par l'Institut de veille sanitaire, donc qui est l'institut qui est chargé, comme pour la grippe, etc., de savoir de comptabiliser tout ce qui tourne autour de la santé. On a mis un chiffre sur un sentiment confus, je dis 3 fois plus de suicides chez les agriculteurs que chez les cadres. Mais ça ne dit pas combien ça fait. Un autre exemple que je donne, c'est qu'en Basse-Normandie, la MSA a recensé 9 suicides d'agriculteurs sur le premier trimestre de l'année 2010, simplement sur la Basse-Normandie. Donc ça fait 9 suicides sur un trimestre. Si vous multipliez par 4, ça fait déjà pas mal. Sur une seule région qui est la Basse-Normandie, donc ça fait pas mal. Oui, ça peut faire ça, d'ailleurs. Ça peut faire ça si on multiplie par le nombre de régions françaises. Autrement, je me présente. Je suis un paysan immigré. Oui. Je revendique le titre de paysan. Bah oui, c'est, allez-y, c'est bien. Et donc, vous parlez de M. Pisani. Oui. J'ai été à une manifestation de M. Pisani. Et la seule phrase que j'avais retenue, produisez, on se charge du reste. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il n'a pas fait son boulot. Hein. Il le disait. Non, c'est vrai, vous avez raison. Il le disait. Produisons, charge. Si, ils l'ont fait le boulot dans les premières années. Après, ça s'est tout déréglé. Mais Pisani n'était plus là pour pouvoir le voir. Mais ça s'est tout déréglé après. Dans les premières années, ça a marché. Le système qui était relativement vertueux, départ des personnes les plus âgées, remplacement par les plus jeunes, augmentation des surfaces des exploitations, avec des assurances sociales qui commençaient à fonctionner, etc. Ça a bien marché dans les quelques premières années. Et puis des prix garantis quand même. Les prix étaient garantis pendant plusieurs années. Et après, ça a commencé à ne plus être garanti. La formation agricole... Je suis fanat des vieux journaux et des vieilles informations. Oui. Mais comme quelqu'un disait tout à l'heure, il n'y avait pas de formation. Mais je vous dis qu'avant-guerre, il y avait des cours par correspondance. Et beaucoup de responsables agricoles, ils sont sortis de ces cours par correspondance. Oui, hein. C'est vrai, vous avez raison. Et je connais un monsieur, j'ai trouvé le nom d'un monsieur qui a 92 ans et qui a été responsable national même. Et il a démarré par les cours par correspondance. Oui. Oui, mais ce que je voulais dire, c'était il y avait pas ça, c'était des gens qui individuellement travaillaient à s'éduquer d'une certaine façon, à comprendre et à apprendre le métier. Mais la mise en place, c'est plutôt l'après-guerre, où on a mis en place des cours collectifs, puisque disait monsieur les CETA, pour pouvoir partager des techniques agricoles, etc. J'ai connu ça, moi. Oui, vous avez connu les CETA. J'ai démarré tout de suite après-guerre. Mon père a été blessé à la guerre, donc... J'ai connu pas mal de trucs, les allocations familiales et tout ça. Oui. C'est venu beaucoup de résistants, d'agriculteurs qui avaient été dans la résistance. Quand les allocations familiales sont venues, et pourquoi nos gosses, ils veulent pas ceux des autres, qu'ils ont dit. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est effectivement la comparaison avec le milieu urbain. Et la révolution agricole, il dit qu'elle se produit, mais depuis la guerre de 14, on voit toujours après les guerres. Et moi, je pense que c'est tout de suite après les guerres que les gens, quand ils sont sortis, ils ont vu autre chose. Et c'est là que... C'est possible. Et c'est là qu'il y a eu le... Après, il y a eu... Après 70, mais c'était une autre. Mais moi, je pense que c'est surtout après les guerres qu'il y a eu des révolutions. Les tracteurs sont arrivés, tout ça. Et quand on parle... le titre de votre bouquin, là, quand on parle de l'ancien temps, que c'était le bon temps, eh ben, vous n'avez qu'à lire les journaux de pendant la guerre ou bien juste sûr. Après la guerre. Et maintenant, il y a des surplus, mais à ce moment-là... tous les jours, tous les deux jours, sur les West France, j'ai des vieux West France de 40-45, là. Il y avait West Éclair aussi avant, et 45-46. Et bien, il n'y a pas un jour où on ne parlait pas de ravitaillement. Et tout était bio à ce moment-là. Ouais, ouais. À ce moment-là, il n'y avait pas autre chose. Hein, tout était bio. Il y a une étape que j'ai oubliée. C'était des engrais. Il y a une étape que j'ai oubliée, mais que je précise dans le livre. C'est quand même une étape très importante de la modernisation rurale. C'est le plan Marshall. Évidemment, c'est comment les premiers tracteurs arrivent à partir de 1947, 1948, les tracteurs qui arrivent dans des caisses en pin de l'Oregon sur le port du Havre et puis qui ensuite sont débarqués et puis qui sont donnés aux agriculteurs soit les plus méritants, soit ceux qui ont les moyens de payer. Et ça, ce qui va profondément bouleverser la société rurale, c'est à partir de 48, 49, c'est le moment où on voit les autres s'équiper en tracteurs en particulier. En mécanisation et que les autres, eh bien, on a encore que les chevaux pour pouvoir tirer l'attelage et ça va complètement changer aussi le milieu agricole. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, ça va permettre une véritable bascule dans le milieu agricole. D'autres remarques, monsieur ? Moi, je suis donc un urbain transplanté en milieu rural depuis une dizaine d'années et donc j'ai découvert la problématique en arrivant ici sur Douarnenez puis sur Plouzévette. Moi, première chose ce qu'on a dit sur la question du regard sur le passé. En même temps, c'est intéressant de voir comment le regard sur le passé est lui-même réécrit

Et que les agriculteurs soient justement rémunérés pour le travail qu'ils accomplissent. Pour pouvoir faire, voilà, et qu'on retravaille sur cette question qui a complètement disparu dans nos sociétés. Comme on dit, on sait le coût des choses. Enfin, on sait combien on les paye, on ne sait plus du tout combien elles coûtent, on ne sait plus du tout combien les personnes sont rémunérées. C'est sûr qu'il ne faut pas s'étonner avec des lasagnes à 2,70 € que voilà, on ne sache pas très bien ce qu'il y a à l'intérieur des lasagnes, ça, c'est certain. Il se fait tard, déjà, je ne veux pas monopoliser le micro et empêcher M. Laurentin de dire tout ce qu'il a à dire. Mais j'ai déjà dit beaucoup de choses, c'est à vous de parler maintenant. Oui, ce que je voulais dire, puisqu'on a parlé de la Hollande, il y avait une pression démographique là-bas très importante, 500 habitants au kilomètre carré, 70 en France, en 1958 quand nous l'avons visité. Mais ils ont tiré parti de la moindre parcelle, ils ont tiré parti des terres en fonction de ce qu'ils pouvaient produire. Ils ont fait les polders aussi. Oui, ils ont fait des polders avec une terre très riche, puisque c'était la boue qu'il y avait au fond de la mer, hein, qui a été éclapée ou bien, normalement ou bien artificiellement. Quoi. Ils avaient une terre très riche, ils réglaient le niveau d'eau dans les caniveaux pour qu'ils aient de l'herbe quand c'était la sécheresse, enfin, etc. Tout était bien pensé. Quoi. Mais ce qui est important, ce que nous retenons, c'est qu'ils avaient 50 ans d'avance sur nous pour la formation des agriculteurs. Mmh. Et des gens qui ont une formation sont plus aptes à se comprendre entre eux et à se défendre. Et ensuite, la deuxième chose qu'on avait remarqué là-bas, c'est qu'ils vendaient tout en sélection. Sur les petites surfaces, ils faisaient des fleurs. Mmh. Ils vendaient de la graine de fleurs que nous achetons, nous, un peu partout par là, quoi. Ils vendaient des fleurs coupées. Il y avait un avion qui décollait tous les 5 minutes. De l'aéroport. C'est toujours vrai, monsieur. Oui, pour inonder. Mais toutes les fleurs viennent de Hollande encore, oui, aujourd'hui. Mais quand nous sommes rentrés en Bretagne ici, nous avons vu que la Bretagne ressemblait beaucoup à la Hollande, qui avait des terres capables de produire différentes productions, mais seulement il n'y avait pas des gens capables de s'entendre. Il y avait bien l'aéroport qui se trouvait là aussi à côté. On aurait pu faire des fleurs. Moi, j'ai essayé de faire avancer les choses avec les tulipes là. Bon, on a vu le premier prix Bretagne pour représenter la Bretagne au concours village que j'aime, quoi. Mais quand j'interrogeais mes voisins, ils étaient déjà d'un certain âge. À Plouzévède, ici, on comprend que la formation est très importante. C'est pour ça qu'on a dit, ne restez pas à l'agriculture, allez autre part pour gagner votre croûte. Ouais. Et je pense que ça a été la bonne solution, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, quoi. Et ceux de Plouzévède, ils ont bien réussi, à tel point qu'on nous reprochait après, on nous disait, ben oui, c'est le village où il y a le plus d'agrégés en France, etc. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est parce qu'on leur a donné la possibilité de faire valoir leur talent et de le mettre au service de la société, quoi. Merci, monsieur. Monsieur. Et s'il y a d'autres questions, vous... Allez-y. Oui. Tout à l'heure, j'avais abondé dans votre sens. Là, j'aurais tendance à dire un peu le contraire. Je pense que l'avenir de l'agriculture n'est plus dans les avions aujourd'hui. On parlait tout à l'heure d'une certaine prise de conscience et ne plus s'appuyer sur les mêmes arguments qu'à l'époque de la Révolution verte, quand on a demandé de nourrir la population. Aujourd'hui, on sait effectivement qu'il y a un certain nombre d'intrants qui causent d'énormes dégâts aux nappes phréatiques et autres. L'industrialisation de la filière, il faut aussi qu'on n'aille pas dans un gigantisme exacerbé et qu'on revienne probablement au circuit court, ne serait-ce que les rapporteurs spéciaux de l'ONU pour l'alimentation mondiale le disent eux-mêmes. Et c'est pas rien, parce que généralement, c'est pas les milieux dans lesquels on est le plus favorable à la paysannerie, au sens le plus noble du terme. Donc voilà, je pense que l'avenir... et d'ailleurs, on a bien découvert que contrairement à ce qu'on se disait très longtemps, qu'il fallait mettre des intrants et autre chose... Le bio est en capacité de nourrir largement plus de populations qu'on ne le disait avant. Et alors c'est controversé, hein, puisqu'il y a un certain nombre de lobbies. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il y a notamment un certain nombre de lobbies qui interviennent pour contrer ça, mais ne serait-ce qu'un rapport de l'ONU le dit. Hein. La meilleure des choses, ça ne serait pas dire que ce sont des lobbies, ce serait déjà de discuter avec eux sans dire que ce sont des lobbies. C'est vrai, ce n'est pas le terme diplomatiquement correct. Voilà. Oui, c'était juste un point pour dissimer, là, c'est de... Quand on pense à un couple dans une exploitation, il peut aussi y avoir des gens tout seuls, évidemment, mais quand c'est un couple, il faudrait voir ces couples qui vivent sur l'exploitation ou si c'est le couple avec un des deux qui est salarié extérieur. Ah ben ça, c'est une des grandes questions. Et donc, dans tes groupes d'experts du terrain, comme on dit, il faudrait bien voir ça, hein, parce que souvent, on va découvrir que celui qui se sent à l'aise et qui milite, c'est peut-être parce que sa femme est gendarme, vous voyez, des trucs comme ça, quoi. Ou bien lui, il est assistant social et elle, elle est chef d'exploitation. Vous voyez, il y a des trucs comme ça qui font qu'il y a des choses qui tiennent alors qu'elles ne tiendraient peut-être plus en vivant à deux sur l'exploitation. Sur le plan du confort matériel. D'entreprise, quoi. Ouais. Hein. Oui, monsieur, d'autres remarques, d'autres questions ? Oui, il y a peut-être une date qui ne marque pas un virage, mais qui acte d'une rupture. Je crois que c'est en 1995, quand dans les accords du GATT au niveau de l'OMC, on a considéré que le produit, que l'alimentation était une production comme une autre. Ouais. Et que, du coup, 2% d'excédent faisait le prix des 98%. Qui nourrissait tout le monde pour moi, ce qui marque la rupture et là où le mal irrémédiable a été créé, c'est quand on a considéré que l'alimentation était comme une production manufacturée, les tracteurs, les voitures, vous en produisez, vous n'en produisez pas, vous arrêtez la chaîne, vous la redémarrez, et on voit dans les cycles d'incertitude climatique auxquels on est confronté. Couplé avec la spéculation sur les matières premières, le mal et les dégâts qui font que qu'un État ne peut plus considérer que la production agricole, l'alimentation a une importance stratégique. Moi, je rigole toujours quand on parle de l'exception culturelle. Enfin, je suis pour, hein. Mais une bonne famine et on remet en perspective l'exception alimentaire, quoi. Mmh. On a perdu. Enfin, la société au niveau mondial a perdu la notion de l'importance de ce qu'est l'alimentation, sans doute parce que c'est pas le milliard qui crève de faim qui prend les décisions, mais je pense que 95, je crois que c'est cette date, hein, vous devez le savoir, mais 95, le fait qu'à l'OMC on a considéré que l'alimentation rentrait de plein pied dans le marché, que ça pouvait plus faire l'objet de barrières douanières, d'une forme de protectionnisme. Je pense que ça a été une rupture importante. Une autre rupture, je pense, il y a peut-être des gens qui ont fait partie des syndicats agricoles ici et qui le savent, c'est le moment où les agriculteurs ont vu qu'ils perdaient la main dans un gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment qu'on peut dater aux alentours des années 90, justement 80-90, où une protestation agricole n'avait plus le poids des protestations agricoles d'auparavant. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils étaient moins nombreux ? Est-ce qu'électoralement, ils payaient moins ? Est-ce que c'est, je le dis dans le livre, parce que dans les conseils municipaux, ils n'étaient plus majoritaires dans beaucoup d'endroits. Et donc, d'une certaine façon, ils n'avaient plus le même poids pour pouvoir élire les sénateurs, les conseillers généraux, etc. Enfin, toujours est-il qu'il y a un moment, je pense qu'il est un moment un peu important, où il y a eu cette bascule où on n'a plus eu la possibilité ou l'impression de ne plus avoir la possibilité de peser sur les décisions publiques de la manière dont on pesait auparavant sur ces décisions publiques. Et là, alors, si on met en plus là-dedans la division des syndicats agricoles qui s'est multipliée, une fédération qui devient deux fédérations, puis trois fédérations, puis etc., tout ça, ça fait aussi qu'on a des voix divergentes qui ne sont plus les mêmes, qui sont plus aussi pesantes au point de vue gouvernemental. Mais ça, je pense que ça jouait aussi un rôle dans cette impression d'éloignement progressif de la capacité des agriculteurs qui produisaient donc, sur le territoire d'avoir une voix à faire entendre auprès des gouvernements successifs. Ça, c'est, je pense que c'est assez important et ça n'a pas plus qu'une vingtaine ou 25 ans. Quoi, quelque chose de, c'est pas très, très vieux. Oui, par rapport à la répartition de la production sur le territoire et la concentration des populations dans les villes, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de monde donc, dans les grandes métropoles. Donc, pour les alimenter, bon, la question se pose, on parlait des circuits courts tout à l'heure. C'est vrai qu'on ne pourra pas fonctionner uniquement avec les circuits courts. à moins de mettre toutes les exploitations autour des villes. Bon, ça, c'est, je pense que ce n'est pas. Oui, c'est ça. C'est vous bâtir les villes à la campagne. Donc, je pense que les différents types de production ont leur place. Mais bon, après, c'est une question de gradation, vous voulez dire, d'échelle. C'est ce que je voulais dire, parce que bon, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir tout... tout définir par, enfin tout vouloir diriger donc vers le système circuit court, mais je pense que bon, la place pour toutes les productions. D'ailleurs, pour un agriculteur comme pour vous, enfin comme vous, j'imagine, ça ne doit pas être facile le circuit court. Comment vous pourriez l'imaginer sur une exploitation comme la vôtre? Ça ne doit pas être si simple que ça, enfin à mettre en place. Bah, disons que c'est vrai que on peut dire sur le territoire, la place est déjà prise. Hein, il y a quelques transformateurs donc locaux qui vendent en direct et bon. Le marché n'est pas suffisant. Je pense pas que voilà que le marché soit suffisant pour absorber la production qu'il y aurait dans le secteur quoi, c'est ça. Et puis ça veut dire aussi transformer son propre mode de production, c'est-à-dire c'est devenir soi-même transformateur, c'est devenir soi-même commerçant, de savoir vendre sa marchandise. Oui, je sais bien que c'est pas de la vente directe. On peut raccourcir les circuits sans le grand tour quoi. Ouais. Je pense que voilà il y a une notion de on va pas dire supprimer les intermédiaires mais quand on en est à des opérations de courtage comme ça maintenant quand on aura 80% de la population d'ici 20 ans dans des mégalopoles la notion de circuit court elle est un petit peu cocasse quoi, c'est ouais. mais c'est pas pour autant qu'il faut le mépriser et c'est pas pour autant surtout qu'il faut pas raccourcir les circuits qui sont actuellement en place. On n'est pas obligé de passer par des traders chypriotes qui eux-mêmes ont leur siège aux Pays-Bas pour pouvoir vendre du cheval. La notion de circuit court du point de vue on va pas dire juridique parce que c'est de l'acception générale c'est pas plus de deux intermédiaires. C'est ça. Merci de la précision. Une dernière remarque, une dernière question. Enfin, peut-être pas dernière, d'ailleurs. Mais... Sur la question des circuits courts, ben justement, quand je parlais du territoire, le territoire a commencé à travailler sur la question. Parce que moi, je suis donc en plus principal du collège. Et c'est vrai que nous, on travaille de plus en plus soit en achat direct, soit effectivement, notamment grâce à des réunions qui avaient été organisées à l'échelle de West Cornouailles, de trouver des contacts. Une partie de la viande qu'on achète au collège, c'est des vaches du Cap Sizun tuées à l'abattoir de Pont-Croix et transformées par un boucher d'Audiane et après vendues au collège. Donc on peut effectivement sans être d'une... Parce que ce que disait l'intervenant tout à l'heure, si chaque agriculteur doit se transformer en transformateur, c'est deux métiers. Ouais. Par contre, qu'un groupement d'agriculteurs localement s'organise pour avoir leur transformateur dont ils gardent le contrôle, y compris sur les prix, etc., et la répartition de la plus-value, c'est peut-être ça la piste la plus intéressante. Sur la question de la viabilité des circuits courts, moi j'avais entendu parler d'une étude qui avait été faite par Rennes Métropole, où en gros, pour nourrir l'agglomération en circuit court, il fallait prendre une couronne de 20 km autour de la ville, ce qui n'est pas énorme. Ça renvoie un peu à ce qui se passe à Munich où pour protéger les captages, pour ne pas avoir à traiter l'eau. Hein, la ville de Munich, qui n'est quand même pas une petite bourgade, ils prennent l'eau dans les nappes, ils la mettent dans le robinet, ils ne la traitent pas. Pour ça, ils ont sanctuarisé tout un périmètre autour de la ville sur lequel ils ont mis des éleveurs bio. Ça veut peut-être dire aussi qu'il faut peut-être faire attention au mitage urbain, au développement urbain, etc. Voilà, c'est qu'après, on est la France, que... on perd en France, on artificialise en ce moment un département tous les 7 ans. C'était tous les 10 ans il y a quelques temps, on est passé tous les 7 ans. Et je pense que la question de la perte des terres agricoles va finir par se poser assez rapidement, mais pas de la faute des agriculteurs eux-mêmes, mais de la faute d'une urbanisation mal maîtrisée, donc aussi. Et pour finir, peut-être sur une note optimiste, que quand Pierre Plouzenec rappelait tout à l'heure qu'une bonne partie des agriculteurs vont partir à la retraite maintenant, que la moitié des jeunes qui veulent s'installer ne sont pas du monde agricole, et la moitié des jeunes qui veulent s'installer ont aussi envie de s'installer sur un modèle qui est justement alternatif au modèle agro-industriel dont on a beaucoup parlé. Donc je ne sais pas là non plus si c'est l'effet de l'amour est dans le pré. Je pense qu'on a passé le cap où le monde agricole avait une mauvaise image de marque. Je pense que maintenant, il se retisse une solidarité entre les consommateurs, les paysans. Par contre, tout le monde s'interrogeant par rapport au système industriel qui chapeaute le tout. Mmh. Mais la mauvaise image de l'agriculteur dans l'opinion, moi, j'ai l'impression qu'elle est vraiment en train de... Elle a été transformée, là, ça y est. Il y a maintenant la conscience que c'est des métiers techniquement compliqués, que le bio est encore plus compliqué quand il s'agit de mettre des pesticides et des intrants, et que donc c'est un métier qui se revalorise à l'image générale et qui devient effectivement source d'attrait pour des jeunes qui en plus, eux, ne se reconnaissent pas dans le modèle urbain mégalopole dont on parle et qui ont envie de revenir à une réalité de monde rural, c'est-à-dire à la fois agriculteur et communauté à une échelle qui fait qu'on peut tisser des liens qui tiennent le coup. Écoutez, on va peut-être rester sur cette note optimiste pour avoir été aussi pessimiste depuis le début. Merci en tout cas.